Et l'histoire se trouve aujourd'hui devant des responsabilités redoutables, mais aussi exaltantes, sans doute parce qu'elle n'a jamais cessé dans son être et dans ses changements de dépendre de conditions sociales concrètes. L'histoire est fille de son temps. Son inquiétude est donc l'inquiétude même qui pèse sur nos cœurs et nos esprits. Et si ses méthodes, ses programmes, ses réponses les plus serrées et les plus sûres hier, si ces concepts craquent tous à la fois, c'est sous le poids de nos réflexions, de notre travail et plus encore de nos expériences vécues. Or, ces expériences, durant ces 40 dernières années, ont été particulièrement cruelles pour tous les hommes. Elles nous ont rejetés avec violence vers le plus profond de nous-mêmes et, par-delà, vers le destin d'ensemble des hommes, c'est-à-dire vers les problèmes cruciaux de l'histoire. Occasion de nous apitoyer, de souffrir, de penser, de remettre forcément tout en question. D'ailleurs, pourquoi l'art fragile d'écrire l'histoire échapperait-il à la crise générale de notre époque? Nous abandonnons un monde sans avoir toujours eu le temps de connaître ou même d'apprécier ses bienfaits, ses erreurs, ses certitudes et ses rêves, dirons-nous le monde du premier XXe siècle. Nous le quittons, ou plutôt, il se dérobe inexorablement devant nous. Fernand Braudel, extrait de la leçon inaugurale au Collège de France, 1er décembre 1950. Fernand Braudel, c'est Hérétique, ou l'histoire immobile à grands pas. Une émission de Pascal Lismonde avec la collaboration de Pierre Dex, réalisation Josette Collin. Il y a 10 ans, disparaissait Fernand Braudel, à 83 ans, en plein amour de la vie. Dans la presse du 28 novembre 1985, ses amis, collègues, ses pairs du Collège de France ou de l'Académie française saluèrent avec émotion le patron, le prince, le pape de la nouvelle histoire, en même temps qu'une vingtaine d'universités dont il était docteur honoris causa dans le monde entier. On regretta l'absence d'un prix Nobel d'histoire, qu'il aurait été le premier à recevoir. On le comparait à Michelet, pourtant il y avait aussi quelque chose de hugolien, l'humour en plus, dans ce personnage devenu sur le tard une sorte de héros national à la crinière blanche légendaire. Comment résister à la fascination unanime qu'inspirent ces deux œuvres majeures, La Méditerranée à l'époque de Philippe II et Civilisation matérielle, économie et capitalisme du 15e au 18e siècle. L'ampleur d'une histoire qui se déploie à l'échelle mondiale, pénètre dans l'épaisseur humaine, tissée avec celle des siècles, offrant tout à la fois l'éblouissement de l'espace et l'ivresse des profondeurs, tout en donnant les clés d'interprétation de notre temps des crises que nous traversons. Le souffle, les intuitions sont prophétiques. Dans cette émission, sur cette longue durée qu'il fera sienne, nous verrons comment Fernand Braudel est devenu à la fois une manière de doge de Venise et ce pape de la nouvelle histoire, c'est-à-dire de cette histoire globale, enrichie des sciences sociales, héritée de Marc Bloch et de Lucien Febvre, dont l'hérésie balaya l'orthodoxie de l'histoire événementielle et les structures universitaires traditionnelles. Une poignée d'hommes a su mener l'une des plus grandes aventures intellectuelles de notre temps, suscitant les débats les plus féconds avec le structuralisme ou l'économie, mais aussi les institutions pour les déployer, en créant la 6e section de l'École pratique des hautes études et la Maison des sciences de l'homme. Une aventure fascinante née pour Fernand Braudel du choc d'une Méditerranée découverte à l'envers, en Algérie, quand il avait 20 ans. Thank you.

J'ai vu tourner la roue d'un vieux moulin qui, je crois, avait été jadis construit pour le seigneur du voisinage par derrière parents à moi. Il y avait un instituteur qui, pour moi, était le prodige des prodiges. Je l'intéressais beaucoup, je crois qu'il m'aimait de façon excessive, mais la réciproque était vraie. Alors, tu n'imagines pas ce que ça pouvait être. La façon dont cet homme t'apprenait l'orthographe, bien sûr, le calcul, mais l'histoire. Il récitait l'histoire de France absolument comme un office divin. C'est son sa jeunesse, bon, son enfance plutôt. Et ça, jusqu'à quel âge alors ? À 7 ans, il retourne à Paris. Alors là, il savait lire et écrire, bien sûr. Et ils se sont trouvés à côté de Paris, à Mériel. Donc, ils ne sont pas restés très longtemps, parce que à cette époque-là, il allait à l'école communale de Mériel. Et puis, son père, tous les jours, était obligé de retourner à Paris avec son fils, son frère aîné. C'était un peu compliqué. Au bout de 2 ans, ils ont pensé que la santé, ça suffisait. Ils sont rentrés donc à Paris, où il a fait des études au lycée Voltaire. Voilà. Donc, toutes ses études au lycée Voltaire, avec un père extrêmement dur. Pour vous donner un exemple, son fils étant intelligent, il devait être premier en tout. Et mon mari m'a dit un jour, avec un ton très triste, et même en gymnastique, ce qui était le comble. Bon. Alors, je me rappelle aussi qu'en 1914, donc Fernand avait 12 ans. Avait 12 ans, son père a été mobilisé, il a dit « ouf ». Et il s'est mis à prendre 4e place, 5e, 6e, enfin c'était très agréable. Il y a eu du relâchement alors. Oui. Il a lâché son cours d'allemand, il est allé au cours de russe, parce qu'il y avait une très jolie femme qui faisait le cours de russe et qui lui apportait des bouchées de chocolat, il trouvait ça très très agréable. Puis son père, son père a été ensuite renvoyé dans ses foyers, je ne sais pas pour quelle raison. Et mon mari a retrouvé le cours d'allemand, les places de premier, tout ce que vous voulez. Vous voyez, il était docile en même temps. Non, il n'était pas docile, justement. Et donc, ça finissait par des raclées assez sérieuses, très sérieuses même. Enfin, mon mari a été élevé très à la dure. L'orientation des études a déjà été un problème aussi. Oui, parce que c'était un père très ambitieux pour ses enfants. L'ambitieux, l'instituteur, les études, tu feras polytechnique. Donc son frère aîné a été polytechnicien. Et mon mari, ne voulait pas être comme son frère, première chose. Deuxièmement, il avait vu les polytechniciens, il m'a dit « tu ne peux pas savoir ce que c'était ». Donc, il a dit, moi, je ne serai pas polytechnicien. Tu seras, je ne serai pas, etc. Alors, il est parti au mois d'octobre suivant faire quelque chose que nous ne pourrions pas faire aujourd'hui, fussions-nous les plus rebelles des enfants. Il est parti dans la banque du coin de la rue et s'est fait prendre comme caissier. Il avait 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et son père l'a retrouvé derrière un comptoir, un tiroir fou furieux. Et lui, alors, ils ont discuté beaucoup. Mon mari voulait être médecin. Alors, il a dit d'ailleurs, de toutes les façons, les études de médecine, c'est trop cher pour moi, lui a dit son père. Et enfin, ils n'ont cédé ni l'un ni l'autre. Il n'a pas été polytechnicien, il n'a pas été médecin. Et il a fait de l'histoire, parce qu'il a pensé qu'il aimait beaucoup l'histoire et que c'était simple. Voilà. Mes études terminées en un clin d'œil, j'arrive à 21 ans comme professeur d'histoire au lycée de Constantine. Je suis alors un apprenti historien, comme des centaines d'autres. J'enseigne, comme des milliers d'autres, une histoire événementielle qui m'amuse, car je l'apprends tout en l'enseignant. Je suis même d'entrée de jeu ce que l'on peut appeler un bon professeur, car j'aime mes élèves qui me le rendent avec usure à Constantine, puis l'année suivante à Alger. Je suis alors un historien de l'événement, de la politique. des biographies illustres. Bref, ma montre est à l'heure de tout le monde et, comme il convient, de mes maîtres les plus traditionnels. Ça va vous sembler extraordinaire aujourd'hui. Il n'avait jamais vu la mer. Ça paraît fabuleux. Les chemins de fer de l'époque, les habitudes, tout ce que vous voulez. Donc il a découvert la mer, le voyage en mer, l'Algérie, Constantine, qui était une très jolie ville au bord d'un énorme ravin. Il m'a souvent décrit Constantine, que j'ai jamais vue, comme une ville assez étonnante. Il avait une classe de philo, puisqu'il était, les jeunes professeurs qui sont arrivés étaient les agrégés, et les professeurs, les autres, étaient de l'agrégé, n'étaient pas toujours des agrégés. Et il a été heureux comme un roi, il se sentait d'abord libre, après des années un peu tendues dans sa famille. Il était libre, il avait de l'argent, plus qu'il n'en avait jamais eu, parce que on avait un supplément colonial quand on était. Alors il trouvait qu'il avait tellement d'argent qu'il avait ses élèves étaient invités une fois par semaine. Ceux qui voulaient venir pour déjeuner ou pour dîner avaient le droit de venir. Donc il a eu une année très très agréable où il a quand même trouvé le moyen de s'amuser. Jacques Berck, vous avez rencontré Fernand Braudel, vous l'avez même eu comme professeur quand vous étiez à Alger. Eh bien, vous-même. C'était le lycée d'Alger, disons ce que nous appelions la rhétorique à l'époque. C'était la terminale, en somme. Figurez-vous ce que nous appelions le grand lycée, lycée Bugeaud. Mais il ne s'appelait pas Bugeaud encore, on ne donnait pas de nom au lycée à l'époque, une cour de récréation où on aurait pu voir en même temps votre serviteur, Camus, et Robert, l'homme du dictionnaire, et d'autres que je ne veux pas citer, par exemple le futur sous-préfet Achiari, qui se rendrait célèbre à Guelma, au moment des événements. Pendant la guerre d'Algérie, alors. Aboulker, le docteur qui opérerait de Gaulle. Tout ce monde-là était dans la même cour. Et dans le cadre des professeurs, un tout jeune professeur, Braudel. Il avait quel âge à l'époque? Il avait une à peine plus âgé que nous. Il avait 28 ans, avoir 27-28 ans. Moins de 10 ans de plus que nous. Je lui ai été présenté parce que il se trouve qu'à l'époque, j'ai été un lauréat du concours général. Ça intéressait les professeurs, bien sûr. Nous l'admirions beaucoup. Il enseignait déjà l'histoire. Il y avait une sorte de coup de cœur pour l'Algérie. Il nous émerveillait parce qu'il était très différent de nous. D'abord, il avait une formidable tête blonde. Nous l'avons revu après la guerre, c'est pas quand il sortait de captivité, il avait blanchi. Sa crinière était toute. Il a gardé sa grande crinière, mais elle était blanche. À l'époque, il était tout ensoleillé. Et cette image solaire que je garde de lui était très beau. Alger était la plus belle ville de France après Paris, et même une ville très différente, avec, je dirais, la beauté des rues, la beauté extraordinaire des femmes d'Alger. Je t'imagine à Alger vers 1922 ou 1923, mais mon pauvre ami, il y avait la chaleur, il y avait la mer, il y avait le vin, un vin extraordinaire, des poissons, tout ce que tu veux. Pour moi, j'ai commencé à vivre. La jeunesse, le soir, en fin d'après-midi, pratiquait la coutume du paseo. La jeunesse rue d'Isly, qui est la grande artère longitudinale d'Alger, défilait. Les garçons et les filles, flirtant plus ou moins. Grande promenade, oui. C'était la grande promenade très méditerranéenne. Eh bien, comme jeune professeur, il le faisait. Et il en était charmé. Et nous, de le rencontrer, de l'y voir participer avec cet enthousiasme. Et l'Algérie avait produit sur lui, comme sur beaucoup de Français à l'époque, une sorte d'ivresse. Il est monté à cheval. Il a fait quelques visites dans le sud, visite de la Gouate, peut-être, de Djelfa. Et, enfin, cette Algérie à la Fromentin, ça a compté sur lui. Et de même, la vie méditerranéenne grouillante qu'on pouvait ressentir aux abords des ports, dans les ruelles de ces villes comme Oran, Alger, Beaune, et ainsi de suite. Fréquentait-il la Casbah ? Sans doute qu'il l'a fait. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Oui, parce que c'était quand même encore un domaine un peu interdit pour les Européens. Il n'a pas appris l'arabe. Mais je dois dire qu'à l'époque, malheureusement, la coupure était grande entre les éléments de la population et ceux qui fréquentaient la masse qu'on appelait indigène parmi les Européens étaient rares. Et parmi cette foule de potaches du lycée d'Alger dont je parlais tout à l'heure, il y avait un pourcentage infime d'Algériens proprement dit. C'est nous qui nous appelions à l'époque les Algériens. Les Algériens, c'était les pieds noirs, à l'époque. Et les Arabes ou les Algériens, on les appelait les indigènes ou les Arabes. La Méditerranée a germé, oui. A commencé à germer en lui à ce moment-là. Sans aucun doute. Ville méditerranéenne comme Oran, surtout. Parce qu'Oran est plus méditerranéenne qu'Alger. Oran est une ville de pêche. Il y a là une population mêlée. Où s'est produit un croisement d'Espagnols d'Alicante et de Napolitains. Croisement qui a produit des filles d'une beauté étincelante. Mais donc, en fait, parce que lui dit qu'il avait l'impression d'être sur l'autre rive, mais finalement, on n'était pas vraiment sur l'autre rive de la Méditerranée, dans une Algérie qui était tellement marquée par la France, qui était possession française. C'était une sorte de France majorée. Majorée par l'initiative et l'aventure. Et aussi par le croisement avec d'autres peuples latins, spécialement espagnols et italiens, qui avaient comme avivé les qualités françaises pour leur donner plus de couleurs. Ce spectacle, cette Méditerranée comme aperçue de l'autre rive à l'envers, a beaucoup compté dans ma vision de l'histoire. Étant à Alger, j'avais pensé qu'un travail consacré à Philippe II, l'Espagne et la Méditerranée ferait un sujet de thèse acceptable. Et il fut accepté en effet sans difficulté à la Sorbonne. Peu à peu, mes doutes grandissaient au sujet du libellé de mon travail. Philippe II, le prudent, le triste, m'attirait de moins en moins, et la Méditerranée de plus en plus. Dès 1927, Lucien Febvre m'avait écrit, je le cite de mémoire, « Plus que Philippe II, il serait passionnant de connaître la Méditerranée des barbaresques ». En 1931, Henri Pirenne exposait à Alger ses idées sur la fermeture de la Méditerranée à la suite des invasions musulmanes. Ces conférences m'ont paru prodigieuses. Dans sa main ouverte ou fermée tour à tour, s'enfermant ou se libérant, toute la mer. C'est pendant ces années-là, entre 1927 et 1933, alors que je vivais dans les archives sans aucune hâte, même pas celle de choisir définitivement mon sujet, que ma décision a mûri d'elle-même. Alors, j'ai choisi la Méditerranée. La Méditerranée comme tous les gens qui ont eu le privilège ou l'inconvénient de naître très loin de ses rivages. Et le premier contact que j'ai eu avec elle en 1923 était une sorte de ravissement et d'éblouissement, et si bien que toute ma jeunesse a été consacrée aux pays méditerranéens. Et je crois que je connais toute la Méditerranée. J'ai fini par aller même dans les régions que je n'avais pas abordées quand j'ai terminé mon livre en 1947, si bien que dans la seconde édition de 1967, il n'y a pas un détail de mes voyages que je n'ai pu utiliser de façon directe ou indirecte. La Méditerranée n'est même pas une mer. C'est un complexe de mers. Et de mers encombrées d'îles, coupées de péninsules, entourées de côtes ramifiées. Sa vie est mêlée à la terre, sa poésie plus qu'à moitié rustique. Ses marins sont à leurs heures paysans. Elle est la mère des oliviers et des vignes, autant que celle des étroits bateaux à rames ou des navires ronds des marchands. Et son histoire n'est pas plus à séparer du monde terrestre qui l'enveloppe que l'argile n'est à retirer des mains de l'artisan qui la modèle. Là uso la mare, tententero. Fais l'éloge de la mer et tiens-toi à terre, dit un proverbe provençal. C'est presque une mer plus des terres, c'est une planète à part. Et elle a joué un tel rôle, elle est tellement présente dans toutes les civilisations en bordure de la mer et même au-delà de la mer, que c'était parler d'un thème, je dirais, connu de tout le monde. Oui. Et surtout, surtout, avant tout, songer à la beauté de la Méditerranée. Dans ce livre, les bateaux naviguent. Les vagues répètent leurs chansons. Les vignerons descendent des collines des Cinque Terre sur la rivière agénoise. Les olives sont gaulées en Provence et en Grèce. Les pêcheurs tirent leurs filets sur la lagune immobile de Venise ou dans les canaux de Gerba. Des charpentiers construisent des barques pareilles aujourd'hui à celles d'hier. Et cette fois encore, à les regarder, nous sommes hors du temps. Voyager en Méditerranée, c'est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l'islam turc en Yougoslavie. C'est plonger au plus profond des siècles, jusqu'aux constructions mégalithiques de Malte ou jusqu'aux pyramides d'Égypte. Car la mer, telle que l'on peut la voir et l'aimer, est sur son passé le plus étonnant, le plus clair de tous les témoignages. D'un côté, bon, c'est un livre qui est le point d'arrivée d'une réflexion et où Brodel a hésité sur la façon de mettre en place la façon dont il se représentait la Méditerranée. Maurice est mort. Il était parti, on le sait, d'une thèse sur la politique extérieure de Philippe II, c'est-à-dire un projet politique et puis des événements militaires, diplomatiques, etc., etc. Et puis, il s'est rendu compte progressivement que les événements qu'il pouvait comme ça mettre l'un après l'autre n'apportaient qu'une partie de l'information ou ne permettaient de comprendre qu'une partie de la réalité. et que les décisions individuelles des acteurs politiques s'inscrivaient dans des temporalités de plus longue durée. Certaines de ces temporalités étaient liées à ce qu'on pourrait appeler la conjoncture économique du XVIe siècle, l'arrivée de l'or et de l'argent américain, la façon dont il a circulé, la façon dont aussi l'économie marchait, les échanges marchaient, mais aussi la façon dont la guerre pouvait être financée. D'autres se situaient dans des temporalités intermédiaires qui étaient liées justement à l'existence de civilisations, qui avaient leur culture, leurs habitudes, leurs traditions. Et comme la Méditerranée est divisée à l'époque, comme aujourd'hui, en de multiples civilisations, une civilisation catholique, une civilisation orthodoxe, une civilisation islamique, que c'est la catholicité se brise en deux avec la réforme, mais que la Méditerranée passe pour l'essentiel du côté de la réforme catholique, restait aussi le problème juif. On a donc là des civilisations qui, elles, ont une certaine durée, qui pour Brodel, avec l'exception de la civilisation juive, repose toujours sur une base paysanne avec une occupation du sol. Il y a toujours chez lui l'idée que une civilisation occupe un espace géographique, donc il retrouvait derrière les affrontements militaires, y retrouver des phénomènes liés aux civilisations, la frontière entre civilisation orthodoxe, mettons, et culture orthodoxe d'un côté, et chrétienté occidentale, recoupe plus ou moins celle entre la moitié orientale et la moitié occidentale de l'Empire romain. Il n'y a donc pas là du tout un hasard. Et puis d'autres événements ne pouvaient être compris que si on les replaçait dans des durées plus longues encore, ou tout un ensemble de, non pas de déterminisme géographique, Brodel se défend toujours l'utilisation d'un mot comme déterminisme, mais plutôt le poids de la façon dont les hommes ont maîtrisé et organisé la nature jouait, bien entendu, sur les décisions ultérieures ou les façons de faire. Alors on peut prendre un exemple très simple qui aura le mérite, je crois bien, de résumer le problème. Parlant de l'histoire du royaume de Naples, de Benedetto Croce, Brodel disait, il ne l'a jamais écrit, un peu ironiquement, c'est un très beau livre, mais dedans il n'y a pas un mouton. Alors, vous voyez, derrière un mouton, il y a toutes les contraintes de la vie matérielle qui n'y figuraient pas. Mais on peut suivre l'exemple du mouton, puisque l'organisation des grands circuits de transhumance sont entre la Mesta espagnole ou la douane des Pouilles en Italie méridionale, sont des réalités qui ont une certaine durée. Alors, si on va prendre la douane des Pouilles, qui est moins connue que la Mesta, mais qui est un peu organisée sous le même principe, on peut, bien entendu, dans les papiers de Philippe II ou dans les papiers financiers qui arrivent à l'Escorial, trouver des informations sur ce que la douane des Pouilles a rapporté cette année-là en termes d'argent. Et c'est une partie importante du budget du royaume de Naples. Et le souverain compte sur ses rentrées financières. Vous aurez donc un événement bien daté, une année, il y a eu tant de moutons et ça a rapporté tant. Et puis ça s'intègre dans une structure institutionnelle qui a été réorganisée au milieu du XVe siècle, mais le mouvement de ce que rapporte la douane des Pouilles à la monarchie espagnole, c'est lié au grand cycle de l'économie, au rapport de l'élevage et de la culture du blé, à la demande de laine pour les manufactures, donc ça renvoie à des mouvements économiques de plus longue durée qui ont, pour prendre l'expression pour elle, leur propre respiration. Et puis, en même temps, cette douane des Pouilles, c'est l'une des façons assez, j'allais dire, centralisées par le pouvoir d'organiser des déplacements à longue distance de troupeaux de moutons importants qui font au total, on arrive à des chiffres qui font 1, 2 ou 3 millions de têtes entre la montagne où elles passent l'été, où ces troupeaux passent l'été, et la plaine où ils viennent hiverner. Et là, on retrouve des réalités de plus longue durée, puisque on trouverait à l'époque romaine une transhumance organisée, non pas identique, mais vous trouvez la modalité Empire romain, de l'organisation sous le contrôle des pouvoirs publics de ces grands circuits de migration des troupeaux de moutons. Je prends cet exemple-là, mais on pourrait en prendre bien entendu beaucoup d'autres. Oui, il y a également cette relation qu'il établit toujours en axant son analyse, ou plutôt en la faisant partir des éléments géographiques, la relation qu'il établit entre les plaines et les montagnes. Les montagnes qui sont le royaume de la liberté, alors que les plaines sont difficilement conquises. Et finalement, c'est quand même là aussi que la civilisation va se développer. Alors, comment l'explique-t-il exactement, Maurice Emmanuel ? Alors, plus exactement. Exactement, on pense souvent à une bipartition. En fait, l'espace méditerranéen, pour lui, se découpe en trois plus qu'en deux. Parce que la civilisation, celle où se développent les habitats denses et permanents, le réseau des villages, des bourgs et des villes, c'est l'étage des collines. Les plaines sont souvent malsaines, infestées par la malaria. C'est au contraire dans l'étage des collines que se développe l'articulation entre les principales cultures méditerranéennes, le blé, mais l'olivier, la vigne et l'ensemble des cultures arbustives. Et chaque terroir méditerranéen s'organise ainsi de manière un peu concentrique entre ce terroir cultivé en permanence et puis des ressources complémentaires qui peuvent se trouver en hauteur. En Espagne, on dit justement pour désigner, on dit le monte est l'endroit où on emmène les troupeaux pâturés et puis des fois des circuits de migration vers les plaines. C'est là que se trouvent les civilisations denses, c'est là que se situent les continuités. Prenez l'Italie en est un bon exemple, mais prenez la Provence, c'est là que se situent les lignes de continuité. Et par rapport à cette zone des collines qui a été le lieu de développement continu des grandes civilisations méditerranéennes, vous avez deux espaces. L'un qui est l'espace de la montagne, où précisément vont pouvoir se développer, se maintenir avec des hauts, des bas, tantôt plus indépendants, tantôt moins indépendants, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, rejettent la tutelle de l'État, rejettent justement ce contrôle des civilisations stables et permanentes et qui sont, j'allais dire, marginalisées dans les deux sens du terme. Ça peut être ils sont en marge et ils peuvent être à des moments dominés. En général, ils essayent de maintenir leur indépendance. Et puis en dessous, au contraire, vous avez ces plaines côtières qui ne sont pas les zones avant notre époque, qui ne sont pas les zones de l'habitat permanent, qui sont souvent les zones de la culture extensive du blé, du pâturage d'hiver, qui sont aussi souvent le lieu des étangs, de la malaria, etc., etc., et qui sont souvent aussi les zones de la grande propriété extensive et qui peuvent historiquement être abandonnées ou beaucoup moins cultivées. Il faut attendre l'époque contemporaine pour assister à ce grand glissement des populations de la Méditerranée immédiatement vers les côtes et observer ces formes d'occupation continue du littoral. Mais c'est un phénomène récent, c'est un phénomène 20e siècle, je dirais presque plus de la seconde moitié du 20e siècle. Conquérir les plaines. Ce rêve remonte à l'aube des histoires. Le tonneau des Danaïdes serait le souvenir de l'introduction dans la plaine d'Argos de l'irrigation pérenne. À une date extrêmement reculée, les riverains du lac Copaïs commençaient à empiéter sur ses bords marécageux. Dès l'âge néolithique, de multiples canalisations souterraines, dont l'archéologie a retrouvé les traces, sillonnaient la campagne romaine. On connaît aussi les travaux primitifs des Étrusques dans les plaines étroites de Toscane. Il n'y a d'histoire méditerranéenne que le jour où l'eau est devenue porteuse de navires et de marchandises et d'hommes. Mais les premières civilisations, les toutes premières civilisations, donnent l'impression d'être beaucoup au-dessus des plaines, comme à l'abri, je dirais, des bordures de la mer. Quand il s'agit de défricher la montagne, il suffit d'avoir son courage, ses deux mains, une hache, l'arrière, et on peut s'en sortir. Mais quand il s'agit des plaines, on ne peut avoir raison de leur hostilité que par un effort collectif. Et cet effort collectif est l'une des caractéristiques essentielles du destin de la Méditerranée. L'espace, bien entendu, c'est une construction humaine, il y a des hauts et des bas, il y a des oscillations, et pour comprendre, il faut comprendre la totalité. Et là, je crois que Bordel est assez sensible au fait que ceux qui ont écrit l'histoire, ce sont les habitants des villes, en gros. On sait que le terroir qu'ils cultivent, la forme, la façon dont ils s'approprient les ressources de la plaine, et la façon, le type de rapport qu'ils établissent avec les gens de la montagne. Mais on a rarement le point de vue des habitants de la montagne, sinon en négatif, parce qu'ils se révoltent, parce qu'ils payent pas les impôts, parce qu'ils envoient leurs migrants ou leurs troupeaux qu'on accueille parce qu'on en a besoin, mais qu'on voudrait mieux surveiller, etc., etc. Ce qui vous fait une histoire qui, dans sa la façon dont elle a été écrite, la façon dont la connaissons, est une histoire un peu décalée. Et là, Bourdelle a désigné un problème sans le résoudre complètement, mais l'historiographie plus récente l'a suivi. Je pense à l'historiographie italienne, qui était jusqu'à 20-25 ans essentiellement une historiographie des collines, d'où des thèmes que Bourdelle avait annoncés, notamment l'histoire des migrations rurales, des migrations montagnardes, vues cette fois-ci non plus seulement du point de vue des villes ou des campagnes qui les accueillent, mais des hautes vallées d'où ils viennent et pour lesquelles la migration est une ressource qu'il faut gérer, contrôler, etc., etc. Face à la mer, immense au XVIe siècle, l'occupation humaine représente quelques liserés, des lignes, des points d'appui minuscules. Sur d'énormes espaces, la mer est aussi vide que le Sahara. Elle ne s'anime qu'au long des côtes. Naviguer, c'est à peu près suivre le littoral, comme aux premiers âges de la batellerie. Aller comme les crabes de rocher en rocher, de promontoire en île et d'île en promontoire. Plus précisément, selon les comptes de cuisine de Telnavre à Guzen, naviguer, c'est acheter son beurre à Villefranche, son vinaigre à Nice, son huile et son art à Toulon. Tomé Cano le Sévillan disait des Italiens, ce ne sont pas des marins de haute mer. Cette nécessité de côtoyer s'explique parce que l'on va d'un port au port suivant. Le gros problème, c'est d'échanger ses marchandises. Et il arrive bien souvent qu'un navire, sur un long parcours, échange ses marchandises un nombre assez élevé de fois. Je parle des petits navires. Mais les petits navires, quelquefois, sont capables de traverser la Méditerranée ou de gagner les mers du Levant. En fait, la Méditerranée n'a pas la profusion de races marines des mers du Nord ou de l'Atlantique. Elle ne les produit qu'en petit nombre et dans certaines régions seulement. Il a fallu un concours de circonstances pour que les Turcs puissent construire leur flotte ou que se développe le centre de la course algéroise. Armer les galères pour toutes les armadas qui luttent en Méditerranée est avant tout un problème d'hommes. s'il n'y avait les esclaves, les captifs de guerre et les condamnés qu'on sort de leur prison pour les enchaîner aux rames, où trouverait-on les hommes nécessaires à la vogue ? La crise sévit aussi pour les équipages. C'est pourquoi, dès la fin du siècle, les États et les villes de Méditerranée embauchent ou essaient d'embaucher des marins du Nord. Il y a eu constamment contamination entre les mers septentrionales, les Méditerranées du Nord, la Baltique, la mer du Nord, la Manche et la Méditerranée. Et les différences, c'est peut-être l'utilisation spectaculaire de la rame dans le domaine de la Méditerranée, mais la rame a été également utilisée dans les mers septentrionales. Et je crois que la Méditerranée a imposé à la batellerie, à la navigation, ses propres rythmes. L'essentiel, c'est pendant l'Antiquité, cette sorte d'immobilisation imposée par les tempêtes de l'hiver. Dès que l'on a dépassé l'équinoxe d'automne, il faudra attendre l'équinoxe de printemps pour que la navigation puisse reprendre, et encore. Si bien qu'il y a pendant 6 mois de l'année des mers qui sont des mers battues par les vents violents, et la navigation en Méditerranée est difficile pendant ces 6 mois-là. Beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est, malgré les longueurs, sur l'océan Atlantique. L'océan Atlantique a le gros avantage. On arrive jusqu'aux Canaries, on se débarrasse des voiles latines, on dresse la voile carrée et on arrive, poussé par l'Alizé, jusqu'à la hauteur des Antilles. La Méditerranée n'a pas ses grâces particulières. Elle a des surprises, et souvent des surprises sauvages. Et puisque l'on évoquait mes propres souvenirs de Méditerranée, j'ai gardé la vision bien des fois de ce que pouvait être le spectacle de la Méditerranée en face du port d'Alger l'hiver, quand le Mistral, le Norrois plus exactement, l'a frappé avec violence. On avait l'impression d'une plaine couverte de neige, d'une sorte de vision nordique exceptionnelle. Or, ces mers d'hiver sont des mers terriblement dangereuses. Aujourd'hui, l'espace nous manque, il se rétrécit autour de nous. Au XVIe siècle, il surabonde, et cette richesse est à la fois avantage et obstacle. De tous les thèmes que la littérature ressasse sur la Méditerranée, celui de la mer à la mesure de l'homme est l'un des plus décevants. Comme si la mesure de l'homme était donnée une fois pour toutes. La Méditerranée n'est sûrement pas à la mesure de l'homme du XVIe siècle. On aura à la rigueur une idée des distances à l'état pur, en retenant les vitesses exceptionnelles qui donnent en somme les dimensions minima de la mer. Les très grandes vitesses, 200 ou plus de 200 km par jour, ne sont guère réalisables que sur mer, par beau temps, et de préférence avec des galères renforcées. Telle celle que Don Juan d'Autriche dépêcha de Messine en juin 1572 et qui gagna la côte catalane, Palamos, en 6 jours. Le moment était dramatique. Il s'agissait pour Don Juan de faire rapporter coûte que coûte l'ordre que lui avait donné Philippe II de rester inactif, avec une grosse partie de sa flotte, à Messine. La galère fit le voyage, seule, bien armée. Au dire d'une correspondance toscane, elle navigua sempre per golfo senza toccar terra, toujours s'engouffrant et sans jamais toucher terre, donc en droiture. L'exploit n'était pas unique. C'est une lutte contre l'espace, mais une lutte contre l'espace, c'est une lutte coûteuse. C'est établir non seulement des courriers, et la nouvelle ne se transporte pas sans frais considérables, surtout les nouvelles importantes. Elles doivent traverser l'espace à des vitesses qui paraissent des vitesses fabuleuses. Qu'une galère en 1572 parte de Messine et arrive en 5 jours à Barcelone, il a fallu avoir une galère renforcée, c'est-à-dire augmenter le nombre des forçats qui tirent sur les rames. Et ce sont là des prouesses, mais des prouesses coûteuses. Et je dirais même la nouvelle ordinaire, régulière, tout un service d'information, tout un service d'espionnage. l'Empire espagnol est une énorme machine à lutter contre l'espace, à le maîtriser et à écouter ce qui se passe, non seulement à travers l'Europe, mais à travers le monde. Et cela représente un effort gigantesque. Et si l'Espagne réagit lentement aux nécessités de la politique européenne, c'est qu'un homme comme Philippe II, au centre de sa toile, est obligé d'intégrer des données qui sont des données beaucoup plus larges, par exemple, que les données de la vie française. La France est toute petite par rapport à l'Empire espagnol. Vous devinez bien que la même question se pose quand il s'agit de transporter des troupes. Les troupes du duc d'Albe qui partent d'Espagne, débarquent à Gênes, traversent l'Europe et arrivent à Bruxelles. Et c'est une opération montée avec un soin qui ferait l'admiration des spécialistes de la logistique ou des calculs opérationnels d'aujourd'hui. Et ça signifie d'énormes rassemblements de moyens de transport, d'argent, l'utilisation de casernes, le détail des étapes. Et l'Espagne a réussi à tenir dans cette position capitale qui pour elle est constituée par les Pays-Bas, que par une liaison qui va de Gênes jusqu'aux Pays-Bas, qui a été quelquefois rompue, je dirais de façon consciente, par la politique française. À la mer, comment se fait-il de la part des habitants de la Méditerranée? Parce que on a l'impression que la mer devrait faire l'unité. Or, on a l'impression que, d'après Brodel, c'est plutôt un espace de conflit. C'est deux choses. C'est d'abord, la mer est un lieu dangereux pour beaucoup. Et l'idée forte de Brodel, c'est que les Méditerranéens tournent le dos à la mer, une large partie d'entre eux tournent le dos à la mer parce que c'est le lieu d'où arrive le danger, d'où arrivent les envahisseurs, d'où arrivent les pillards, d'où arrivent les corsaires, etc. etc. Et donc, les Méditerranéens ne sont pas tournés vers la mer très souvent. Ils leur tournent le dos, ils s'établissent à une distance plus ou moins raisonnable de la mer pour se tenir à l'abri. Et c'est un paradoxe qu'il illustre bien lorsqu'il parle des îles, justement, méditerranéennes, qui peuvent être tantôt des îles ouvertes sur les échanges extérieurs, ou au contraire des conservatoires de forme ancienne. Pensez à la Corse, pensez à la Sardaigne, etc. etc. Donc il n'y a pas de déterminisme géographique dessus. Ce sont les sociétés qui vont se servir de ces données-là pour en faire quelque chose. Et puis, alors, la Méditerranée, c'est un lieu de danger, mais c'est aussi un lieu d'échange. Mais c'est aussi, enfin, un lieu d'établissement des pouvoirs politiques. Ils vont s'appuyer sur les possibilités de communication internes à la Méditerranée pour établir des dominations. Et à ce moment-là, vous aurez des réseaux politiques. Pensez à la grande construction de l'Empire espagnol, qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, puisque tellement est habitué aux États nationaux, mais que les mêmes souverains puissent avoir la péninsule ibérique, mais aussi Milan, mais aussi Naples, mais aussi la Sicile, et puis un empire de l'autre côté de l'eau. Mais enfin, cette idée d'un empire qui domine la Méditerranée occidentale et qui essaye aussi de s'implanter sur la rive sud, qui a ses points d'appui sur la côte du Maghreb, qui sont uniquement des points d'appui un peu superficiels. Ce sont des constructions politiques qui nous apparaissent difficiles à comprendre. Et le cas le plus net est celui de l'Empire espagnol, celui de l'Empire ottoman, qui repose lui aussi sur des circulations maritimes fortes au niveau de la mer Égée, au niveau de la mer Noire, et puis sur l'axe fondamental de l'Empire ottoman, qui est l'axe commercial, qui est l'itinéraire Constantinople, Istanbul, en direction de l'Égypte, une continuité territoriale. Mais la Méditerranée joue à une grande importance dans la structuration interne de l'Empire ottoman comme élément de force. L'Empire ottoman, d'ailleurs, ne se constitue vraiment que lorsqu'il se donne une flotte capable de rivaliser avec les flottes chrétiennes. Ça peut être aussi une fragilité, et on voit bien que les deux fragilités de l'Empire ottoman sont en direction du Maghreb, la difficulté de maintenir des lignes de communication qui vont très loin d'Istanbul, qui vont très loin, même à l'intérieur de la Méditerranée, c'est difficile à maintenir. Et puis alors, l'autre élément de fragilité, ce sont les ruptures de charge, c'est-à-dire la nécessité qu'aurait l'Empire ottoman d'entretenir une flotte en mer Rouge et dans le golfe Persique pour être un peu à la hauteur de ses ambitions. Et il est très difficile d'avoir deux flottes de ce point de vue. Mais pour terminer sur ce problème de la mer, je crois qu'il essaye de souligner, de suggérer qu'il y a dans l'espace maritime des frontières qui prolongent les frontières terrestres, mais qui correspondent aussi à des données de la circulation maritime. Le passage où il insiste longuement sur le fait que la bataille de la Prevesa et la bataille de Lépante, les deux grands affrontements maritimes entre flotte chrétienne et flotte ottomane, se situent finalement à proximité, dans la même zone géographique et à proximité immédiate d'Axiome, c'est-à-dire du grand affrontement entre Octave et Antoine pour le contrôle de la Méditerranée, ça lui paraît un élément fort parce que ça s'appuie. D'abord, il y a des oppositions est-ouest dans la Méditerranée, mais il y a des lieux où automatiquement les flottes des deux camps vont se rencontrer au moment où elles s'affrontent. Oui, c'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait des sortes de lignes de fracture géographique, oui, presque, qui seraient privilégiées dans l'histoire de la Méditerranée et que Fernand Braudel identifie comme telles. Mais des lignes de fracture qui sont d'un côté des lignes géographiques, mais qui sont d'abord des lignes culturelles. C'est parce que des civilisations ont occupé certains espaces qu'elles vont s'affronter à tel endroit. Ensuite, viennent s'y joindre les espèces de constantes de la navigation, d'une navigation surtout côtière, les contraintes de l'outillage militaire, enfin, c'est-à-dire le fait que jusqu'à la fin du XVIe siècle, les flottes soient équipées de galères, qui soient l'instrument de combat, et ce sont même des engins assez fragiles qui s'écartent difficilement des côtes. Tout ça crée des contraintes. On peut rentrer ensuite dans un environnement où le combat pourra se développer en haute mer. Mais là, Braudel insiste plutôt sur les continuités avec les époques antérieures. Après la longue durée inscrite dans l'espace méditerranéen, dans les plaines liquides, les îles, l'immensité du Sahara où naviguent les caravanes, Fernand Braudel explore, dans un deuxième temps, les mouvements lents de l'économie, ce qui façonne le destin collectif des 50 millions d'habitants répartis entre le Levant et le Ponant du monde méditerranéen. L'importance des routes, des villes, des ports, le rôle des métaux précieux, du commerce du poivre, des épices. Visiteur du soir du XVIe siècle, il y découvre la révolution des prix, ce grand mouvement à la hausse qui se fait par paliers, mais qui change en profondeur le statut international de la Méditerranée. Alberto Tenenti. Fernand Braudel a très bien saisi les décalages, la différence de voltage, pour ainsi dire, qu'il y a entre les différents niveaux des entrepreneurs et des acteurs de l'économie. Car en effet, il a sans doute d'ailleurs dans le sillage d'une tradition qui était déjà établie, suivi et accordé son attention au développement du commerce international. Parce que de là est venue l'accumulation des capitaux. Et de là est venue aussi l'influence du capital sur la politique. Parce que c'est bien évident que les souverains ne peuvent pas, uniquement avec les impôts qu'ils réussissent à tirer de leur sujet, mener les politiques dans lesquelles ils se trouvent au fur et à mesure engagés. Donc il faut qu'ils fassent recours aux hommes, aux banquiers, aux grands hommes d'affaires, aux grands financiers, c'est-à-dire à ceux qui savent accumuler des capitaux et surtout, ou au moins autant, les déplacer. Par exemple, vous voyez le cas des Génois. Pourquoi les Génois étaient importants? Apparemment, il n'y a pas de raison qu'il soit important, parce que les Génois n'allaient pas en Amérique, les Génois avaient perdu une bonne partie ou presque toute l'importance qu'ils avaient autrefois en Méditerranée. Donc, pourquoi les Génois ? Eh bien, les Génois, en habiles financiers, en habiles manieurs d'argent, ont su assurer à la monarchie espagnole un ravitaillement financier régulier. C'est-à-dire, comme les convois d'or et d'argent arrivaient d'Amérique une ou deux fois par an, et comme au contraire, il fallait payer les troupes régulièrement, il fallait avoir de l'argent frais régulièrement, ce sont eux qui ont assuré ces sources de financement réguliers au roi d'Espagne pour lui permettre de mener sa politique. Mais naturellement, en bon financier, ils ont pris des gages. Les rois payaient au fur et à mesure avec les métaux précieux qui venaient d'Amérique, mais les Génois prenaient des garanties avant même cela, parce que l'argent pouvait ne pas arriver. Et donc, ils se faisaient accorder des droits dans les royaumes d'Espagne, c'est-à-dire des perceptions de droits, d'impôts et de redevances, de sorte qu'ils étaient de toute manière garantis. D'où l'importance considérable qu'a eu Gênes aussi comme capitale économique. Après Venise, malgré tout, elle a pris un peu le relais de Venise, ou c'était avant. C'est-à-dire, il faut distinguer. Tant que le système, dirais-je, des forces a été un système assez sectoriel, chacun pour soi, alors, évidemment, les finances florentines, genoises, vénitiennes, etc., ou castillanes, n'est-ce pas, ou anglaises ou allemandes, jouaient leur jeu, chacune pour son compte. Mais dès que le jeu est devenu entrelacé, imbriqué à l'échelle mondiale, alors les uns se sont trouvés mieux placés que d'autres pour jouer un rôle international. C'est ainsi que les Florentins n'étaient pas moins habiles que les Génois comme banquiers. Et pourtant, les Florentins n'ont joué aucun rôle, n'ont pas été en mesure de jouer le rôle qu'ont joué les Génois. Après l'élimination de Gênes, sa rivale, en 1381, Venise devient la maîtresse des trafics du Levant, c'est-à-dire du commerce international de l'époque. Elle est la capitale du ducat et du sequin, de l'or africain et de l'argent d'Europe centrale, la reine du poivre, des épices, des drogues, de la soie, la capitale du coton qui arrive chez elle de Syrie par énormes balles et navires entiers. Les marchands allemands viennent vers elle pour acquérir les richesses du monde, et elle les enferme dans le fond de la Codei Tedeschi pour les mieux surveiller, car s'ils ont le droit de commercer à Venise, ils n'ont pas celui de s'immiscer dans les trafics fructueux du Levant. Venise engloutit tout, revend tout, les vins liquoreux et les raisins secs des îles grecques, l'huile des Pouilles, les vins du Mezzogiorno, plus lourds en alcool que les petits vins d'Istre qui gagnent par priorité les caves d'Allemagne, le blé de Naples, du Levant et de Sicile, le sel de Chypre et de l'Adriatique. Cette exploitation, ce pillage du monde n'aura eu qu'un temps, et Venise, un beau jour, se laissera voler son rôle. Dans le miroir de l'Europe, il y a toujours la Méditerranée. Et comme la Méditerranée est un miroir, entre ces deux miroirs, les images se multiplient. Il y a des milliers et des milliers d'images qu'il faudrait vous présenter. Si vous vous placez, je dirais, à Venise, devant la Salute qui va se construire avec une rapidité de rêve, puisqu'on peut vous dire quand elle commence et quand elle finit, quand elle s'achève, Venise est encore le centre du monde. le centre du monde, non seulement le centre de la Méditerranée, c'est-à-dire la ville de loin la plus riche qui existe en Méditerranée, mais c'est de loin la ville qui domine l'ensemble de l'économie européenne. Tout passe par Venise, tout vient à Venise, tout s'échappe de Venise. Or, vous n'ignorez pas que vers 1500, il y a des phénomènes très lointains qui se sont produits et qui ont frappé Venise, non pas sans que Venise s'en aperçoive, Venise s'en est aperçue avec terreur. La découverte en 1492, mais celle-là, elle n'a pas causé, je dirais, une impression trop grave à Venise, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais en 1598, revenait sur les quais de Lisbonne la petite flotte de Vasco da Gama qui avait fait doubler le cap de Bonne-Espérance et qui avait été jusqu'aux Indes, jusqu'à Calicut, et qui même en était revenue. Or, ce voyage de Vasco da Gama, c'est un phénomène presque électrique, alors que la découverte de l'Amérique va mettre un siècle, même plus d'un siècle, pour devenir un phénomène très important de l'histoire européenne. Où, immédiatement, sans attendre davantage, tous les gros marchands se sont précipités à Lisbonne pour se mettre en liaison avec le roi de Lisbonne qui devient un marchand, puisque c'est le grand marchand fournisseur de poivre et d'épices. Naturellement, Venise en a beaucoup souffert. Et on croyait autrefois, tous les manuels l'ont dit il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, que la Méditerranée était morte du jour où l'Atlantique avait connu sa première naissance. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, heureusement pour la Méditerranée. J'ai écrit à ce sujet un livre. Mon seul mérite, c'est d'avoir montré que la Méditerranée a encore été glorieuse et active jusqu'au moment où la Salute a été achevée, donc jusqu'en 1600 et même jusque vers 1650. C'est qu'en effet, le Nouveau Monde a fourni tout de même un élément d'importance avec ses exportations de métal précieux, avant tout le métal blanc, l'argent. Cet argent arrive en Espagne, arrive à Séville, est redistribué par Charles Quint et ensuite par Philippe II, et surtout pour leurs dépenses militaires. C'est un argent, si vous voulez, politique, et qui se dépensera principalement aux Pays-Bas. Or, à partir des années 1566, 67, 68, au lieu de passer par la voie normale, je dirais, de l'Atlantique, de passer jusque pour gagner Anvers, l'argent, alors qu'il y a des difficultés à cause de la contrebande, mais de la piraterie pour utiliser les routes de l'Atlantique, le métal blanc va traverser l'Espagne, s'embarquer sur les galères à Barcelone, de Barcelone jusqu'à Gênes, et de Gênes à travers la Méditerranée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la Méditerranée reprend, je dirais, sa position principale et va vivre, je dirais, dans des conditions relatives de luxe jusqu'à la fin du XVIe siècle. Et notamment, Venise est suppléée par la ville la plus curieuse qui soit en Méditerranée, je veux dire Gênes. Ne passez jamais à Gênes sans être attentif, je dirais, à son histoire extraordinaire. Si vous aimez les promenades qui vous conduisent n'importe où, vous êtes dans la ville haute, un petit mouvement, vous descendez vers le port et vous vous perdez dans la ville basse. Et c'est une ville absolument adorable, c'est la ville ancienne. Or, je dis que c'est la ville la plus extraordinaire. C'est une ville où les hommes d'affaires ne savent pas ce que c'est que l'inertie. Enfin, ils ne savent pas ce que c'est que ne pas se décider. Ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas réussir. C'est une ville qui a constamment réussi et qui a réussi, je dirais, de façon extravagante à la fin du XVIe siècle. Avec les foires de plaisance, Gênes domine en quelque sorte l'ensemble de la fortune de l'Europe. Puis, finalement, tout va changer avec le début du XVIIe siècle. Quand une sorte de mouvement de bascule qui amène l'Europe, je dirais, à être centrée sur le nord, enfin, le centre de gravité devient non plus le midi, non le sud, mais devient le nord, un instant Anvers, mais surtout Amsterdam. Quand la capitale économique matérielle du monde se trouve à Amsterdam, le destin glorieux, en quelque sorte, de la Méditerranée est terminé. Glorieux, vous m'entendez, ou plutôt le destin à l'aise de la Méditerranée. Parce que si la Méditerranée est frappée dans sa fortune, elle est frappée avec violence. À partir des années 1570, les bateaux anglais, anglais tout d'abord et hollandais par la suite, se précipitent en Méditerranée et, je dirais, font de la contrebande, de la piraterie, s'imposent au marché et démolissent en quelque sorte les fortunes anciennes. Or, à partir du XVIIe siècle, le Nord est donc devenu la région dominante. On a dit presque toujours que c'était grâce au protestantisme, ce qui est une blague énorme. C'est une blague énorme parce que, en réalité, la zone protestante, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et les autres pays du Nord, ce sont les pays pauvres de l'Europe. Enfin, l'Europe, a dépassé les anciennes limites de l'Empire romain et s'est constitué comme une zone coloniale. Et dans cette zone coloniale, les gens du Midi, à commencer par les Italiens et les gens de Méditerranée, ont abusé tant et plus. Jusqu'au jour où la concurrence des gens du Nord a été victorieuse. Et ça, c'est naturel. C'est naturel parce que rien n'est plus difficile à supporter qu'un patrimoine trop lourd, qu'une richesse trop évidente. Il y a usure. Il y a donc usure de la Méditerranée par sa, je dirais, sa primauté qui a duré pendant des siècles. Et les gens du Nord, qui sont des gens avec des salaires plus bas, avec des coûts de revient moindres, ont fini par l'emporter dans cette lutte. Mais ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si la vie matérielle de la Méditerranée s'arrête vers 1600, ça n'est pas sa vie culturelle qui s'arrête pour autant. Il y a, au XVIIe siècle, l'énorme expansion du baroque. C'est pourquoi, un instant, j'attirais tout à l'heure votre attention sur la Salute de Venise sur le Grand Canal. À Venise, il n'est même pas nécessaire d'appeler l'histoire à la rescousse pour imaginer le passé. Le passé est omniprésent, comme une vase molle, multiple, épaisse, dans laquelle on s'enlise sans même s'en apercevoir, dans laquelle le présent sombre lui aussi et s'engloutit avec somnolence. Le dépaysement, l'étrangeté des perceptions et leur persistante monotonie finissent par faire de l'illusion une vérité, une atmosphère, une obsession sans cesse recréée par ces répétitions qui emplissent la vue et peuplent l'esprit. Partout l'eau et la pierre, partout l'eau et la brique rose, partout l'eau et les gondoles qui tracent leur ligne droite, partout l'eau et les gros bacs chargés de fruits, de bois, de briques, de tuiles, avec leurs mariniers appuyés sur leurs perches et qui marchent sur le rebord du chaland pour que celui-ci se dérobe sous leurs pieds et avance. Et ces maisons, qui toutes ont l'air de sortir la tête de l'eau et de se préoccuper de ce seul effort secret qui est comme leur raison d'être. Et ces ruelles qui ont l'air de ne mener nulle part, suivant un bout de quai, enjambant un pont, allant dans un sens puis dans l'autre pour contourner l'obstacle des canaux et des maisons. Il est vrai que, égaré un instant dans le dédale, vous retrouverez toujours les grands repères inchangés ou presque sur lesquels régler votre marche comme si l'on naviguait en mer d'après les signaux du littoral. Mais c'est ce mélange de géographie, de civilisation, de culture qui l'intéresse vraiment. Et le fait d'avoir développé cette Méditerranée sur trois plans, qui était ce découpage en trois parties, c'est un découpage, je voulais dire, de commodité. Comme il disait lui-même, il pourrait y en avoir quatre, cinq ou six. Simplement, il s'agissait de mettre en évidence divers types d'organisation de la vie humaine, correspondant à des données, à des contraintes différentes. Mais il s'agissait de montrer ensuite que le même événement isolé était susceptible de trois lectures différentes. Et à la limite, il parle de la guerre dans le premier, dans le deuxième et dans la troisième partie de son livre. Si vous voulez. Il parle même de guerre mondiale, puisque la période de 1550-1559, il la présente vraiment comme la guerre mondiale. Alors pourquoi la guerre mondiale ? C'était une guerre mondiale à l'échelle de l'Europe. Puisque les grandes forces en présence en Europe se trouvaient au maximum de leur conflit. Mais c'est qu'au XVIe siècle, la guerre s'est installée, qui est la pire de toutes les guerres, c'est la guerre de civilisation en civilisation, c'est la guerre entre l'islam et la chrétienté. Et en gros, la jointure des deux mondes hostiles se fait de part et d'autre des mers de Sicile. C'est-à-dire que la guerre est une forme d'échange. Vous direz que ce n'est pas ce qu'il y a de tout à fait rationnel. Il n'y a pas seulement la guerre, il y a la course. La course est une sorte d'échange forcé, échange d'hommes, échange de techniques, échange de marchandises. Et je crois que le bon voisinage est souvent la règle. Les civilisations sont accueillantes les unes aux autres, plus souvent qu'on ne le dit. Et surtout quand il s'agit des gens les plus modestes, soit de chrétienté, soit d'islam. Mais il y a aussi les grandes passions. Et les grandes passions ont joué leur rôle. Ces passions qui ont, à plusieurs reprises, coupé la mer en deux. Je dirais que c'est presque toujours aux périodes de difficultés, de dépression économique, quand il y a une sorte de détail, de chronologie curieuse, quand les affaires en Europe et dans le monde ottoman, dans le monde turc, sont des affaires heureuses. Et les grandes politiques, ce sont des politiques de l'Europe contre l'Europe et de l'islam contre l'islam. La grande politique turque en direction des Indes, en direction de la mer Noire, en direction de la Caspienne, ce sont les périodes, je dirais, de vie heureuse, de vie prospère. Tandis que quand les difficultés économiques se marquent, je dirais que le mauvais temps économique est générateur soit de croisade, soit de djihad. C'est quand les affaires ne vont pas que la Méditerranée connaît, je dirais, ses heures les plus violentes. La course, c'est la guerre licite, rendue telle ou par une déclaration formelle de guerre, ou par des lettres de marque, des passeports, des commissions, des instructions. On aurait tort de croire qu'il n'y a pas, au XVIe siècle déjà, un droit international avec ses usages et une certaine force de contrainte. Islam et chrétienté échangent des ambassadeurs, signent des traités, et souvent en observent les clauses. Dans la mesure où la Méditerranée en son entier est une zone de conflit continuel entre l'hiver mitoyen et fratricide, la guerre s'affirme une réalité permanente, elle excuse, elle justifie la piraterie. Il faut dire tout de même, pour être juste, que la course existe des deux côtés. Il y a une course chrétienne, dont les chevaliers de Malte sont les héros bien connus, et qui est aussi féroce et aussi active et aussi fructueuse, si l'on peut dire, en songeant à la masse des marchandises, des personnes enlevées, que la course des barbaresques. Il s'est même trouvé des historiens qui, aujourd'hui, prennent la défense des barbaresques. On les a vus, je dirais, que du mauvais côté, c'est-à-dire à partir de l'Europe. C'est cette lutte de l'Espagne contre l'Empire ottoman, l'Empire des Osmanlis, est certainement un des moments dramatiques de l'histoire militaire et politique de la Méditerranée. Il y a eu, à partir de 1559, après l'apaisement des querelles européennes, au lendemain du traité du Cateau-Cambrésis, une sorte de reprise des opérations en Méditerranée. Je dirais que, bien sûr, très souvent, les chrétiens et cette coalition permanente que constitue l'Empire espagnol en Méditerranée sont sur la défensive. Ils sont sur la défensive parce que la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'au Bosphore, est dominée par les musulmans encore en 1559. La victoire de la Prévessa, remportée par Barberousse en 1538 sur le prince André Doria, a donné une sorte de primauté contre laquelle il semble très difficile de réagir. La victoire de Lépante, dont il faudra absolument parler dans quelques instants, la victoire de Lépante, 7 octobre 1571, n'a été possible que par l'aide apportée par les galères et les galées vénitiennes à l'armée espagnole et pontificale. Il a fallu une coalition de la chrétienté, c'est-à-dire l'Empire espagnol plus autre chose. Et sinon, je ne crois pas qu'il eût été possible de renverser la situation comme elle sera renversée au lendemain de la bataille de Lépante de 1571. Thank you. avez là une puissance dominante, qui est l'Espagne, qui se trouve au centre de deux mondes, le monde méditerranéen et le monde atlantique, et qui mène sa lutte en même temps sur le front méditerranéen et sur le front atlantique. En 1571, l'Espagne est déjà très largement implantée dans l'Amérique centrale et méridionale. Et elle en tire déjà les profits. Mais en même temps, l'Espagne est sur la défensive, sur le front méditerranéen. Troisième élément, plus ou moins inattendu, la révolte des Pays-Bas du Nord, qui provoque des grosses difficultés et qui draine les revenus financiers de l'Amérique, pas pour la lutte contre les Turcs, mais pour la lutte contre les Pays-Bas du Nord, contre les Hollandais et leurs alliés. Donc, vous avez un roi d'Espagne qui est obligé, au fur et à mesure, de prendre des décisions comme devant une balance et examiner au fur et à mesure s'il est plus opportun de concentrer le gros de ses forces sur l'échiquier nord-européen, là où l'Espagne se trouve en face des hérétiques, ou dans l'échiquier méditerranéen, là où l'Espagne se trouve devant les infidèles. Et c'est ça le drame de l'Espagne à ce moment-là. Et c'est ça la raison pour laquelle la grande victoire de Lépante a duré presque l'espace d'un matin, parce que la Ligue n'a pas pu se poursuivre, les ententes non plus, entre les alliés qui ont gagné à Lépante, et parce que les problèmes des Pays-Bas du Nord se sont envenimés. Et Philippe II a dû envoyer l'expédition, renforcer l'expédition militaire et investir des millions et millions de ducats d'or dans ces opérations. Donc, vous voyez, Lépante est, si vous voulez, dans un contexte tout à fait international qui amène jusqu'à l'Amérique. D'où l'importance aussi du personnage de Philippe II, mais qui finalement se retrouve pris effectivement dans une histoire globale, et qui n'est plus seulement la sienne, puisque on sait que Fernand Braudel avait commencé, enfin le premier sujet qui lui avait été donné, c'était de faire une thèse sur Philippe II et le monde méditerranéen, et que finalement il l'avait transformé en Méditerranée, sa thèse en faisant la Méditerranée à l'époque de Philippe II. Donc c'était vraiment l'inversion du sens historique. Mais si vous voulez, vous pourriez continuer le raisonnement et dire c'est ainsi que Fernand Braudel, en suivant le destin de l'Espagne, s'est aperçu et a compris tout à fait largement, comme premier historien, je pense, que avec le XVIe siècle, l'échelle était devenue mondiale. Elle n'était plus une échelle ni méditerranéenne ni européenne uniquement. Et c'était une échelle mondiale. Il insiste bien sur le fait que, bon, quand il essaye d'interpréter les résultats de la bataille de Lépante, que finalement, Lépante a rassuré les chrétiens, était une défaite pour les Turcs, mais que Lépante, fondamentalement, n'a rien changé, n'a assuré ni la victoire définitive de l'un, ni la défaite de l'autre. Et simplement, si la guerre n'a pas continué après, c'est parce que les deux camps en présence, Espagne d'un côté et Ottomans de l'autre, se sont trouvés impliqués dans d'autres guerres qui faisaient qu'ils n'avaient pas ni de temps, ni d'argent, ni de moyens humains et militaires à consacrer à un affrontement dans le cœur de la Méditerranée. Bon, l'Espagne a ses problèmes aux Pays-Bas, l'Empire Ottoman a ses problèmes du côté de la Perse, et la conclusion, c'est que la guerre déserte le centre de la Méditerranée. Guardando los días tú, con poder a mí recordar, les lecteurs de ce gros livre que j'ai écrit sur la Méditerranée seront déçus, parce que je présente la mort de Philippe II le 13 septembre 1598 comme un événement qui disparaît brusquement au milieu de beaucoup d'autres, et je n'ai pas rendu justice à Philippe II, ou plus exactement, malgré une familiarité, je dirais, exceptionnelle avec les documents et la connaissance de la vie de Philippe II. Et j'ai considéré comme de mon devoir d'historien d'être toujours extrêmement prudent à son endroit. Dans la mesure où je l'ai replacé toujours au centre de la vie impériale de l'Espagne, j'ai eu une tendance à toujours l'excuser, peut-être à mieux le comprendre, mais comprendre et excuser, ce doit être la même chose. Et j'ai le sentiment que le conflit qu'il oppose à Alexandre Farnèse à la fin de la vie d'Alexandre Farnèse, ou qu'il a opposé de façon dramatique à Don Juan d'Autriche, et c'est le conflit entre le responsable de l'ensemble des tâches impériales, des contraintes impériales, et ceux qui sont dans un secteur étroit d'activité, qui ne voient que ce secteur. Don Juan d'Autriche ne voit que la guerre contre les Turcs, Alexandre Farnèse ne voit que la guerre aux Pays-Bas, et il est obligé, quant à lui, de replacer les demandes des uns et des autres, les politiques qu'ils essaient de lui imposer, dans un cadre qui est plus général. Et chaque fois que l'on élargit l'horizon, je ne dis pas que l'on donne raison à Philippe II, mais on le comprend davantage. On ne se heurte plus à lui comme si l'on était brusquement l'avocat ou de Farnèse ou l'avocat de Don Juan d'Autriche. L'ennui, c'est que, je le répète, c'est un homme qui échappe aux historiens comme il échappe aux contemporains. C'est un homme qui fuit la confidence, qui fait un effort terrible sur lui-même pour être à la hauteur de son métier, et qui jamais, en quelque sorte, ne s'abandonne. Nous ne le surprenons que dans certaines affaires, dans le conflit qu'il a avec son fils Don Carlos, avec cette mort dramatique, ou bien la longue affaire qu'il opposera à son secrétaire Antonio Pérez, qui a été racontée dans un livre prodigieux, qui est le livre du docteur Gregorio Marañón, qui, lui, plus qu'un autre historien, étant espagnol et étant habitué à peser et repeser les réalités psychologiques et même médicales, a donné de Philippe II le seul portrait d'ensemble qui soit un portrait acceptable. Il l'a vu, je dirais, très au-dessous de sa tâche, très, très gêné, incapable d'initiative. Je ne crois pas que ce soit l'éloge de Philippe II. Mais le Philippe II tel qu'il apparaît dans l'éclairage du livre de Marañón est un homme vivant, compréhensible, que nous essayons de suivre, que l'on voit par exemple torturé dans les dernières années de sa vie par le remords, le désir de savoir si dans le meurtre, c'est une affaire que je n'ai pas le temps de raconter, le meurtre d'Escovedo, il s'est conduit selon sa conscience, ou bien si les conseils qui lui ont été donnés par Antonio Pérez sont des conseils sincères ou pas sincères. Il veut absolument faire la vérité, mais c'est presque un problème de lumière intérieure qu'il tourmente. Nous autres historiens de la politique et de l'économie, curieux de réalité d'histoire générale, nous serions enchantés si on pouvait connaître les sentiments de Philippe II sur sa politique à l'égard de la France. Là, en gros, nous y voyons à peu près clair. Mais connaître un moment décisif à la veille de l'invincible Armada ou à la veille de l'expédition du duc d'Albe. Nous n'avons de temps à autre de lumière que sur l'homme extraordinaire. Je crois qu'il fut soucieux d'agir selon sa conscience, même si les décisions qu'il peut prendre ainsi nous semblent tout à fait en dehors de la sensibilité d'aujourd'hui. Donner l'ordre de tuer quelqu'un, de l'assassiner sans forme de jugement, qui peut paraître un acte arbitraire et abominable à nos yeux, c'est tout de même, de la part d'un souverain, exercer son droit de souverain justicier. Et le malheur, je le répète, c'est que nous n'avons pas, comme cela, en dehors de 3 ou 4 affaires sensationnelles, la possibilité de parcourir le chemin qui mène jusqu'au secret, jusqu'à la vie secrète du roi. Philippe II, il a donc un peu des rapports un peu privilégiés, puisque Philippe II a choisi de ne pas bouger, de vivre au même endroit, d'être informé par lettres et de répondre, d'essayer de juger sur pièce. Et c'est évidemment très précieux pour l'historien, puisqu'on a une énorme correspondance qui converge et qui a été conservée. Mais en même temps, finalement, vis-à-vis de Philippe II, il lui fait un reproche. C'est l'un des thèmes pour lesquels Brandel utilise un temps que l'historien ne devrait pas utiliser, c'est le conditionnel. Comme si l'histoire aurait pu être différente si les acteurs avaient fait d'autres choix. Et le reproche que celui qui fait à Philippe II, c'est d'avoir choisi de s'installer au cœur de l'Espagne, au milieu des terres, et ne pas avoir compris que la chance de l'Espagne était sur mer. En disant, si Philippe II, au lieu de rester, s'installer à l'Escorial, à côté de Madrid, s'était installé à Lisbonne, l'histoire de l'Espagne aurait peut-être été différente. Et là, on peut dire qu'on trouve une petite contradiction de Brandel lui-même dans l'identification de cette marge d'initiative, d'action pour un homme politique ou pour un chef militaire pour non pas modifier complètement, mais infléchir le cours des événements. C'est peut-être comme ça qu'il faut interpréter ce conditionnel et dire par opposition vis-à-vis de Philippe II, il est fasciné par le personnage là du demi-frère là de Don Juan d'Autriche, qui lui a la bataille de Lépante l'a voulu. Si Don Juan n'avait pas voulu et n'avait pas aller au combat, il n'avait pas persuadé les autres chefs de la flotte chrétienne qu'il fallait y aller, cette bataille, à la limite, n'aurait pas eu lieu. Mais vous voyez, les marges de manœuvre sont assez limitées. Oui, peut-être on pourrait imaginer aussi que ces regrets qu'il a par rapport au comportement de Philippe II, c'est aussi parce que finalement l'objet de son ouvrage, d'une certaine manière, lui échappe à sa conclusion, puisque c'est aussi la fin du XVIe siècle, c'est aussi la fin de la Méditerranée et du rôle historique de la Méditerranée. Vous avez compris, là, c'est l'une des choses sur lesquelles la position de Brandel évolue finalement de la première à la seconde édition. La seconde édition intègre bien entendu des apports de recherche plus récentes, postérieures à la première édition et qu'il avait lui-même suggéré. Mais Brandel évolue sur le plan du déclin entre guillemets de la Méditerranée. La nouveauté du livre dès la première édition, c'est de dire la position de la Méditerranée n'est pas annulée par les grandes découvertes, et la Méditerranée a au XVIe siècle un grand siècle de prospérité supplémentaire, ce qui allait souvent à contre-pied des historiographies nationales. Je pense en particulier à l'historiographie italienne qui avait été un peu écrite à la lumière de Machiavel, etc. Et puis sur ce problème de la datation du déclin, enfin du déclin définitif de la Méditerranée, de sa perte de prestige et de richesse par rapport à l'Europe du Nord-Ouest, Brandel a eu toujours tendance à retarder. Il a dit 1600, puis 1622, puis 1640, sinon plus tard encore. Donc on pouvait le lire de façon, lire ce changement de façon différente. D'abord, il y a une information d'histoire économique qui lui permet de mieux voir les choses et qui permet de voir que des séries se prolongent vers l'aval plus longtemps qu'on ne l'avait cru. Et puis, il y a, je crois, aussi une espèce de regret de l'auteur d'abandonner son personnage et donc lui assurer une vie plus longue, une survie plus longue. C'est une façon, même s'il la quitte au début du XVIIe siècle, de dire qu'elle a encore une histoire devant elle. Et là, je crois qu'il a des problèmes de rapport entre l'auteur et son personnage, puisque ce personnage est devenu un espace géographique qui a sa vie propre, mais un espace géographique construit, habité, approprié par les hommes. La Méditerranée, il l'a écrite en captivité. Il y a toute la correspondance de Lucien Febvre et de mon mari. Moi, je suis en Afrique du Nord, donc les petits cahiers qu'il écrit en quantité folle, puisqu'il a écrit 3 fois au moins sa thèse en captivité, les faire traverser la Méditerranée, c'était un petit peu une ou deux fois il l'a fait, mais en général, il l'envoyait à Paris où ça arrivait directement par les ambassades, donc c'était sûr. Et il y a à chaque fois la conversation, enfin, si vous voulez, Lucien Febvre lui dit j'ai trouvé ça comme ceci, Fernand m'écrit c'est magnifique, et surtout, vous n'allez pas plus loin, il veut qu'il fasse une thèse rapidement, et on ne pense pas que ça va durer 4 ans. Et mon mari m'écrit il trouve que c'est très bien, mais ce n'est pas vrai du tout, et mais ça sera. Bon, et alors, au fur et à mesure, il explique. À un moment donné, il dit ce qui est difficile, c'est le plan. Alors, en fait, il essaie d'expliquer tout ce qu'il a dans la tête, c'est-à-dire une vision énorme de quantité de choses, de quantité de présent, de passé, etc. Il cherche à expliquer. Et à un moment donné, il se rend compte que la difficulté, ça vient, vous ne pouvez pas mélanger quelque chose qui se passe comme ça aujourd'hui, et puis vous mettre à expliquer tout d'un coup que ce que vous venez de voir là, il faut que vous sachiez ce que c'était que l'islam au 7e siècle pour le comprendre, si vous voulez raconter une histoire, je ne sais pas, de l'islamisme aujourd'hui. Non. Il se trouve devant ce problème. Et à un moment donné, il se rend compte, il se dit, mais oui, au fond, ce sont des choses qui ne se sont pas passées dans le même temps. Et si je prends tout ce qui se rapporte à l'espace, à la géographie, au cadre, etc., et que je le mets ensemble, c'est un passé lointain. Ensuite, si je veux parler des crises économiques qui se passent à l'époque, au XVIe siècle précisément, comme nous avons aujourd'hui une crise du pétrole, ce que vous voulez, enfin, c'est des crises qui sont courtes, qui sont sur 15 ans, sur 20 ans, c'est une évolution. Et puis ensuite, il y a les événements de tous les jours, la guerre, les batailles, les pentes, tout ce que vous voulez. Ah oui, c'est dit, ben, c'est très simple, je commence par le temps long, au milieu je mets le temps des crises, etc., c'est-à-dire un temps moyen. Et puis après, je raconte les événements. Mais en fait, pour lui, c'était très lié, parce que pour comprendre les événements, il fallait que vous sachiez que vous étiez dans la crise, et pour comprendre la crise, il fallait que vous soyez mis dans le bain. Sans ma captivité, j'aurais sûrement écrit un tout autre livre. Je n'en ai pris totalement conscience qu'il y a 1 ou 2 ans, en rencontrant à Florence un jeune philosophe italien. « Vous avez écrit ce livre en prison », m'a-t-il dit. Oh, c'est pour cela qu'il m'a toujours donné l'impression d'un livre de contemplation. Oui, j'ai contemplé, en tête à tête, des années durant, loin de moi, dans l'espace et dans le temps, la Méditerranée. Et ma vision de l'histoire a pris alors sa forme définitive sans que je m'en rende compte aussitôt, en partie comme la seule réponse intellectuelle à un spectacle à la Méditerranée qu'aucun récit historique traditionnel ne me semblait capable de saisir, en partie comme la seule réponse existentielle au temps tragique que je traversais. Tous ces événements que déversaient sur nous la radio et les journaux de nos ennemis, ou même les nouvelles de Londres que des radios clandestines nous livraient, il me fallait les dépasser, les rejeter, les nier. À bas l'événement, surtout le contrariant. Il me fallait croire que l'histoire, le destin, s'écrivait à une bien plus grande profondeur. Choisir l'observatoire du temps long, c'était choisir comme un refuge la position même de Dieu le Père. Très loin de nos personnes et de nos malheurs quotidiens, l'histoire s'écrivait, tournait lentement, aussi lentement que cette vie ancienne de la Méditerranée, dont j'avais si souvent ressenti la pérennité et comme la majestueuse immobilité. C'est ainsi que je me suis mis consciemment en quête du langage historique le plus profond que je pouvais saisir ou inventer, le temps immobile, ou pour le moins très lent à se dérouler, obstiné à se répéter. Mon livre s'est alors ordonné selon plusieurs lignes temporelles différentes, allant de l'immobile à la brièveté de l'événement. Aujourd'hui encore, ces lignes dessinent, traversent pour moi tout paysage historique. La Méditerranée, la première édition, qui est publiée en 1949, mais qui est soutenue, qui est rédigée, terminé en 47, qui est soutenu comme thèse. À ce moment-là, on sait qu'elle a été rédigée en captivité. On sait aussi, par ce qu'il a dit lui-même, par ce que nous a dit Madame Brodel, on sait comment elle a été préparée. On ne sait pas très bien comment elle a été réellement écrite. C'est-à-dire qu'on connaît mal, on ne connaît pas, ou en tout cas pas très bien, la façon dont il a pensé, par quelle étape il est arrivé au résultat final. Donc, il est un peu comme un architecte qui aurait démonté l'échafaudage. On ne sait pas très bien comment il l'a réalisé. Donc, il y a, je crois, pas mal de choses à identifier de ce côté-là, même s'il ne faut pas oublier que Brodel est d'abord un écrivain. Et je dois dire que lorsque je lis moi-même la Méditerranée, qui n'était pas de très grande lecture tellement répandue dans ma, encore dans ma génération, c'est même un livre qui s'est vendu, qui avait été tiré à 1200 ou 1500 exemplaires dans sa première édition et qui est épuisé, donc on trouve difficilement, et qui n'est pas du tout accepté comme un livre de référence. Je dois dire que la première chose qui me séduit, c'est la qualité de l'écriture. C'est un livre qui est écrit, qui se lit. Et je vais dire, tiens, on peut écrire de l'histoire sans être ennuyeux, première chose. Et il y a cette proposition d'une intégration assez étroite de la géographie avec ses paysages, ce grand pouvoir d'évocation de l'image qui était liée à sa façon d'écrire. Et puis, bien entendu, il y avait ce versant économique qui correspondait à l'une des orientations de l'histoire qui nous tentait tous, particulièrement à l'époque. Il faut être honnête, quand je le lis en 58, je n'ai pas réellement compris l'importance de la troisième partie sur les événements. Ce n'est que plus tard, mais étant rentré dans sa logique, si vous voulez, que j'ai compris pourquoi les trois parties étaient là et la troisième n'était pas une partie résiduelle. Je crois qu'elle a sa place très forte dans la structure. Dans la structure de l'ensemble. Et quel est les événements, maintenant, je vois bien qu'on retire la troisième partie, le livre perd de son sens. Beaucoup ont soutenu que cette troisième partie, qui était finalement, d'une certaine façon, l'héritage du sujet initial, c'est-à-dire celui de la politique extérieure de Philippe II, on pensait qu'elle était là uniquement pour faire plaisir au jury de thèse, etc., etc. Je crois que c'est totalement faux et je l'ai mieux compris par la suite en entendant Brodel qui, j'allais dire, savait aussi bien raconter une bataille ou décrire un personnage historique que Picasso savait faire un dessin tout à fait ressemblant à son modèle. C'est là que j'ai compris que cette troisième partie était essentiel dans l'œuvre et d'essayer de mieux en comprendre la logique. Mais je dirais, dans la fameuse bataille de Lépante, dans ses portraits de Don Juan d'Autriche, etc. Donc ça, je l'ai compris par la suite. C'est pas forcément un livre facile, comme tous les livres qui anticipaient un peu sur leur époque. Les gens ont appris à le lire. Ils n'ont pas retenu dedans ce qui les intéressait. La deuxième édition de la Méditerranée, c'est différent puisque il va garder la troisième partie sans pratiquement y toucher. Il va garder la première partie avec un certain nombre de changements essentiels. Notamment, c'est là qu'il y a l'introduction sur l'exception qui confirme la règle à propos des situations. Et c'est à propos du judaïsme, si vous voulez, il y a un nombre de changements. Là où il explique que les civilisations ne sont pas mortelles, c'est comme ça. Mais une civilisation, il introduit comme une exception à sa règle qu'une civilisation s'identifie avec un espace territorial, le judaïsme, comme étant l'exception à sa propre règle. Donc il y a quelques modifications, mais le gros des modifications sont centrées sur la deuxième partie, sur les économies, où là, finalement, Brodel peut réincorporer dans son travail, en modifiant certaines de ses propositions initiales ou en les complétant, les résultats des recherches qu'il avait lui-même suscitées. Parce qu'il faut bien dire que les apports qu'il peut incorporer sont le résultat de ses propres suggestions. Alors il a 10 ou 15 ans de travaux, si vous voulez, qu'il va pouvoir réintroduire dans son livre, mais beaucoup de ceux qui avaient travaillé suivi les pistes qu'il avait lui-même proposées. Et quels sont justement les changements de perspective qui apparaissent alors dans cette deuxième édition ? Je ne dirais pas des changements forts de perspective, parce que pour être juste, il y a un autre aspect, il y incorpore les résultats des travaux des gens, c'est-à-dire notamment des études plus approfondies. Bon, prenez la description d'Istanbul, grâce au travail de Mantran sur Istanbul, elle va être infiniment plus détaillée. Vous aurez des analyses concernant les différents commerces, les différents trafics, l'organisation du trafic de l'argent, etc., etc. Toute une série de choses qui sont le produit des études qui ont été écrites. Et puis, il ne faut pas oublier que lui-même travaille aussi pendant la même période, va aux archives. En général, les gens qui ont fait leur thèse ne vont plus aux archives. Brodel se dit, j'y suis pas assez allé, il faut que j'aille travailler régulièrement. Et c'est entre la première et la seconde édition de la Méditerranée qu'il va beaucoup travailler en Italie, alors qu'il avait beaucoup travaillé en Espagne pour la première édition, qui me paraît plus espagnole et la seconde plus, édition plus italienne, et qui va surtout beaucoup travailler à Venise, où il fait régulièrement de longs séjours et où il est aidé dans ses recherches par de jeunes archivistes italiens qui lui signalent des pistes, si vous voulez. Donc il y a d'un côté le produit de ses lectures, et en fait ce sont des travaux de première main qu'il a lui-même suscité, mais il y a aussi ses propres recherches, c'est-à-dire un travail qu'il décide de compléter, puis à un moment où il décide, il faut y mettre un terme. La troisième entreprise, la série télévisée, c'est quelque chose de différent. Brodel appartenait, par sa génération, par sa culture, sans doute, à quelqu'un qui était un excellent enseignant, tout le monde le dit, on l'a vu encore dans sa dernière leçon d'histoire, mais qui ne s'était pas préoccupé fondamentalement de l'impact nouveau de la radio d'abord, de la télévision ensuite. Lorsque les lundis de l'histoire naissent, enfin dans leur première forme, je ne sais pas comment ils s'appelaient, donc la seconde moitié des années 60, c'est une responsabilité qu'il délègue aux gens autour de lui, à Jacques Le Goff, à François Furet, à Joseph Goy, à Denis Richer. Manifestement, ça ne l'intéresse pas, il pense qu'il n'a pas de temps à perdre là-dedans. Et puis, c'est quand il a pris sa retraite, finalement, après 72, qu'il se laisse séduire par l'idée d'une série télévisée qui va lui permettre de rendre accessible à un plus grand public son œuvre, enfin les thèmes centraux de son œuvre. Et donc, d'où ce dialogue avec un producteur français, Pierre Gérin, et un certain nombre de réalisateurs, dont Folco Quilici et Carlos Villardebeau. Ça va être une opération assez longue avec des arrêts, des reprises, des retours en arrière, des échecs aussi. Et puis 50 de tournage. Il y a 50 tournages, mais c'est 74, 76. En gros, l'essentiel est tout de même des années 74, 76. C'est là que l'essentiel a été fait. Et la série est présentée, je crois, au mois de novembre, octobre, novembre, dans 76. Et a tout de suite un énorme succès. Elle va toucher un grand public. Et elle va provoquer cette troisième édition de la Méditerranée, qui est le livre cadeau à la Noël 76, et qui va se vendre à infiniment plus d'exemplaires que ne s'était jamais vendu la Méditerranée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que la Méditerranée, qui était un ouvrage de référence pour un public savant, devient un ouvrage grand public. Donc il y a cet aller-retour entre l'écrit, l'imprimé et les médias, qui est un aller-retour original, bien daté dans sa vie. Mais ça veut dire qu'en gros, Brodel touche le grand public quand il a 74 ans. Oui, parce que lui-même apparaît aussi comme acteur dans sa Méditerranée, absolument. Parce que dans chacun de ses films, c'est lui-même qui présente. Il y prend goût, il avait réalisé d'autres films plus réduits comme Sienne avec Folco Quilici, mais enfin, mettons, ça soit après, aux alentours 70 ans, que Brodel découvre les médias et qu'il s'y sent tout de suite, pas du tout emprunté, mais très à l'aise.